Mon étoile de Jean-Claude Grimbert. Prologue. Bibi, assis face à un grand écran, pianote sur son clavier. La tête de maman apparaît sur l'écran. Maman, maman! Je travaille, chérie. Tu devineras jamais. Appelle papa, je suis en réunion. On va recevoir mon ami. Appelle papa! Oui, oui, monsieur le président, pardon. Monsieur. Mais maman, c'est juste pour te dire que... Soir. Oui, mon fils, monsieur le président. Bibi repianote. Allô? Papa, papa! Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es blessé? Non. Pourquoi t'appelles alors? Pour te dire, tu devineras jamais. Je suis en plein chantier, dis-moi ce que tu as à me dire et raccroche. Mon correspondant. Quoi? Pour les vacances de Pâques. C'est dans 6 mois, Bibi. Mon correspondant viendra en vacances de Pâques. C'est l'école qui... C'est dans 6 mois, je te répète. Je suis tellement content, papa. Fais tes devoirs. J'ai juste un peu de géostat et... À ce soir. Je suis content, papa. Content, content, content. Ça y est. Je l'ai dit à mes parents. Ouais, quoi? Ils sont vachement joisses. Ouais, pas les miens. Ils ont même dit qu'il pourra dormir avec moi dans ma chambre. Moi, ils veulent pas. Bah, il dormira dans une autre chambre, c'est pas grave. Je t'ai dit qu'ils veulent pas qu'il vienne. Pourquoi? Ils ont pas confiance. Hein. Confiance? Ils aiment pas trop les étrangers. Alors, les quoi? Bah, ils disent qu'un jour ou l'autre, ils viendront nous envahir, alors. Mais puisque c'est nos correspondants depuis déjà 3 ans. Ouais, mais quand même. Mais quand même quoi? Ils veulent pas. Ils veulent m'envoyer faire un stage de snowboard sur dune de sable. Tu vas venir? Ils s'arrangeront avec TV pour partager les frais. Non, non, non, non. Moi, je veux recevoir mon correspondant. Ouais, bon, bah, ciao. Ouais. À demain. Salut. 6 mois plus tard, dans la cuisine chez papa-maman. Tu l'as vu? Ouais. Il est bizarre, hein, non? Bizarre, c'est pas le mot. Il a une tête de poireau. Jeunes, ils sont tous comme ça. Et quand ils vieillissent? Ils vivent en chou-fleur. À part ça, il a l'air plutôt gentil. Mmh. Mais quand même... Quand même quoi? Ça ne me plaît qu'à moitié qu'ils dorment ensemble. Tu veux dire dans la même chambre? Voilà. Question sexe, on ne sait même pas si... Féminin ou masculin? Voilà. Bibi dit que chez eux, ça n'a pas la même importance que chez nous. Quand même. Ils doivent bien faire des enfants de temps en temps, non? Écoute, on va lui proposer la chambre d'amis. Il a tout mangé. Il avait faim. Il a dit que c'était vachement bon. Merci. Qu'il avait jamais mangé quelque chose comme ça. Une soupe poire aux pommes de terre? Il s'est régalé. Je lui ai proposé un peu de rap. Écoute, il doit être crevé. Oh, le voyage a dû le fatiguer. Propose-lui la chambre d'amis. Non, non, non, non. Il n'est pas fatigué. Il a déjà fait des voyages plus longs. Plus longs? Avec la téléportation, on ne se fatigue plus du tout. Ils sont vachement en avance sur nous, tu sais. Ouais, ouais. Pardon, je te demande ça juste pour savoir. C'est un ou une? T'en fais pas. Demain, il s'habillera comme moi pour pas choquer les gens. Ça, c'est sa tenue de voyage. Oh, ça nous choque absolument pas. On veut juste savoir. S'il est quoi? Fille ou garçon? Demandez-lui. Je peux pas le laisser trop longtemps. Il attend son rave. On arrive, nous aussi. T'as fait quoi après, maman? C'est papa qui a fait. Un gratin. Un gratin de quoi? Chou-fleur. J'espère que ça va pas le... Il mange de tout, il a dit. Parfait. Ah, parfait, parfait. Il va nous présenter sa famille après le repas. Sa famille est là aussi? Non, non, sur l'écran. Ah, sa famille, oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Et l'endroit où il vit aussi. Ah, parfait, parfait. Parfait. Ici, il trouve tout très chouette. Comment ça se fait qu'il parle si bien notre langue? Il a pris terre en première option. Terre? Il connaît toutes les langues parlées sur terre. Il me le disait dans sa première lettre, vous vous souvenez pas? Il y a 3 ans, il parlait déjà toutes les langues. Je suis si content qu'il soit là. Nous aussi. Voilà, je vous présente mes parents. Ah, oui. Sur l'écran du salon, des chou-fleurs adultes et de jeunes poireaux posent, puis s'ébattent dans un urbanisme futuriste un peu désuet. Il a sa maison. Oh, maman, regarde. Ah oui. Papa-maman s'extasient, faussement ravis. Le correspondant pianote imperturbable. Il a réellement l'air d'un poireau. Bibi est aux anges. L'écran s'obscurcit. Dans la chambre de Bibi, la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ça va pas? Si, si. Oh, t'arrives pas à dormir? J'ai le moteur qui chauffe. Tu veux que j'ouvre la fenêtre? Je l'ai déjà ouverte. Ah, tu manques d'air. Non, non, c'est pas ça, c'est la première fois que je voyage sans mes parents. Ah, t'es angoissée? Je sais pas. Et qu'est-ce que je peux faire? Il y a un espace vert à côté. Il y a un bois pas loin. Je crois qu'il me faut du vert. Le bois est déjà bien vert en cette saison. J'aimerais aussi voir les étoiles. Mon étoile. Allons-y. qu'on se perde? On peut pas se perdre. Moi, je me suis déjà perdue dans ce bois et en plus, c'était le jour, alors là... J'ai un écran qui me guide où que je sois, je peux pas me perdre. Comme une boussole? Oh, le bois est trop touffu. Il faut trouver une clairière. Pour quoi faire? Pour que je puisse voir mon étoile. Voilà, voilà. Mon étoile doit être... Attends. Oh, les étoiles sont toutes petites. Je ne m'y reconnais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce ciel? Bah, c'est un ciel de terre. C'est-à-dire? T'es sur terre, t'as un ciel de terre. J'ai déjà été sur d'autres étoiles. J'ai toujours retrouvé mon étoile. Elle est de quel côté? Près de la grande ours? Il n'y a pas d'ours dans le ciel. Dans mon étoile non plus, d'ailleurs. On devrait rentrer maintenant. Je commence à avoir froid. Je sais pas s'il y a des ours sur ton étoile, mais le bois ici a l'air très peuplé. Je la reconnais, c'est celle-là. Je vais essayer d'entrer en contact avec papa, maman. Ça passe pas. Mais tu te sens mieux quand même? Oui, je me sens mieux dans cette forêt sous mon étoile que dans ta boîte de ciment. Si on dormait là? Là? Là? Avec toutes les bêtes? T'as peur des bêtes? J'ai pas peur, mais... T'es pas rassurée. Ouais, j'ai surtout peur de papa, maman. Hey, on dort là, et on rentre avant qu'il se réveille. On se glisse au lit, ni vu ni connu. On va pas attraper froid? T'as peur de tout, alors? Des bêtes, du froid, de papa, maman? Et toi, alors? Moi, j'ai peur de rien. Tout à l'heure, tu pouvais pas dormir, ton moteur chauffait, t'as dit? C'est pas pareil. On verra quand tu viendras sur mon étoile aux vacances prochaines comment tu te sentiras la première nuit. Je pourrais pas venir. Pourquoi? Je suis bienvenue, moi. Sur Terre, on téléporte pas. Nos dirigeants sont en train de se mettre d'accord avec les vôtres pour exporter notre système de téléportation. Ah bon? C'est mon papa qui travaille là-dessus. Ah. Mais bien sûr, hein, si tu veux pas dormir là sous les étoiles, on rentre. Bien sûr. Je préfère. Alors, c'est par où? C'est toi qui as dit qu'on pouvait pas se perdre et que ton écran... Ah oui. Voyons voir. Noir. Ah, ça y est. Quoi? Il m'indique tout droit par en haut. Oh, je suis bête. Il m'indique pour rentrer chez moi dans ma maison, pas dans la tienne. Alors, on est perdu? On est perdu. Faudrait peut-être grimper dans un arbre pour éviter les animaux rampants. Oh oui, ceux qui vivent dans les arbres. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que t'as? Des touffes phosphorescentes, on dirait une luciole. Ça va pas? Tu veux revoir ton étoile? Non, je crois que j'ai peur. Toi aussi? Moi aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Couchons-nous. Et si les animaux nous attaquent? Il nous faudrait un quoi? Chez nous, on appelle ça un golem. Un golem? Oui, c'est comme un bonhomme qu'on fabrique et après, ce bonhomme nous protège. Ah. On dit que les premiers arrivants sur mon étoile se sont protégés grâce au golem qu'ils savaient fabriquer. Et toi, tu sais? On m'a appris ça dans les petites classes, mais... Mais quoi? Mais j'en ai jamais fait un pour de vrai. Bon, bah, essayons. D'accord. Faut ramasser de la boue. Vous avez aussi de la terre là-haut? Non, on a de la boue. Mais beaucoup. C'est avec de la boue qu'on fait les bons golems. Et ramasse aussi des branchages. Il fabrique grossièrement un petit bonhomme pas plus grand qu'un nouveau-né. Maintenant, la formule. Colombe, vie et protège-nous. Oh. Ah oui, je dois l'inscrire sur son front. Respire. R-E-S-P-I-E. Respire. Voilà, ça y est, il respire. Au petit poil. Couchons-nous. Mettons-le entre nous deux. Viens, Golem. S'il y a des animaux, il les tuera. Il est mignon. On dirait un doudou. Comment tu dis qu'il s'appelle? Gollum. Gollum. Respire. Dormez. Protège-nous des bêtes. Tu dors? Moi j'ai peur. Mais qu'est-ce qu'on a le golem? Mais il m'a l'air trop petit, on aurait dû en faire un plus grand. Tu crois? Oh, celui-ci est bon pour combattre les souris, les fourmis et les ratons laveurs, pas les grosses bestioles. Mais quel genre de grosses bestioles? Les loups, les ours, les hippopotames, les crocodiles. Il y a tout ça dans le bois? Je sais pas, j'entends de drôles de bruits. Ça a pas l'air de bruit de souris ou de fourmis. Ni de ratons laveurs? Ni de ratons laveurs. Alors? C'est peut-être bien des hurlements de loups affamés qu'on entend. Arrête, si j'ai peur aussi. Ça y est, j'ai le moteur qui rechauffe. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dort. Mais puisque le golem est trop petit. Il nous défendra quand même. Et puis tes parents vont s'apercevoir qu'on n'est pas là. Ils vont comprendre qu'on est perdu dans le bois. Et ils vont venir nous chercher. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Quoi? Oh, j'ai peur. Mais t'as peur de quoi, maintenant? Mais de mes parents, tiens. Et le golem te défendra. Contre mes parents? Mais bien sûr, le golem fera tout ce qu'on veut. Mon papa est plus fort que Snabo, hein. S'il fait tout ce qu'on veut, il peut grandir? T'as raison. Golem, nous voulons que tu grandisses. Pour mieux nous protéger. Grandis. Bon, bah, ça n'a pas l'air de marcher. Oh, je sommeille. Bah, dors-moi, alors. Demain sera un autre jour. Tiens, on dit ça aussi sur ton étoile? Ouais, on dit ça. Sur Terre aussi? Demain sera un autre jour. Le golem hoche la tête, dubitatif. Il dorme. Le soleil se lève. Il se réveille en sursaut, se tourne et se retourne, cherchant le golem. Où il est? Tu l'as bougé tes fesses? Moi, je me réveille à l'instant, c'est toi? Ah bah, moi, j'y ai pas touché! Golem! Golem! Golem! Golem! Où es-tu, Golem? Golem, où es-tu? Soudain, le golem apparaît. Il est gigantesque. Il tient dans ses mains des poignées de bestioles de toutes sortes. Lapins, perdrix, lièvres, écureuils, ratons laveurs. Il jette les carcasses d'animaux sur un tas d'autres carcasses, puis se retourne, comme pour continuer à aller massacrer des bestioles. Assez, Golem. Mais dis-lui d'arrêter, toi. Mais ça a marché. Ça a marché. Arrête. Ça, Golem, ne tue pas. Ça a marché. Il a grandi. Il nous a défendu. Bravo, Golem. Et dis-lui bravo, sinon on va se vexer. Bravo, Golem. Le golem semble se réjouir. Il s'approche des enfants et vient se remettre entre eux, comme était placé le petit golem. Tu crois qu'il saura nous ramener à la maison? Attends, j'ai faim. D'abord, on va lui demander de quoi déjeuner. Ah oui. Golem, nous voulons des céréales, du lait, du chocolat. Et des fruits aussi. Voilà, ça ira comme ça. Le golem disparaît. Tu crois qu'il va revenir avec tout ce qu'il nous faut? Je suis sûre. C'est vachement chouette, un golem, hein? Le golem réapparaît. Il déverse des seaux de céréales, de fruits. Il traîne même une vache pour le lait. Arrivent des marchands très en colère, dont le propriétaire de la vache. Le golem fonce sur eux. Golem, je sors les poisons. Le golem s'immobilise. Tu l'as froissé. Il allait en faire de la charpie comme il a fait avec les bêtes. Qu'est-ce qu'il a? Il s'ennuie. Il faut lui trouver quelque chose à faire d'urgence. Sinon, il va devenir enragé à force de tourner en rond. Golem, fais-nous une maison. Le golem se dresse, satisfait. Et en un clin d'œil, à l'aide d'arbres qu'il arrache, il leur fait une maison. Pas très élégante, plutôt rustique, disons. Mais enfin, une maison quand même. Exactement comme chez nous. Et c'est les premiers golems qui sont arrivés avec les premiers pionniers qui ont fait les premières maisons sur mon étoile. Oh, bravo, bravo golem. Hé, hey, dis-lui bravo, bravo. Le golem se secoue, il est gêné. Très belle maison, félicitations. Tous trois entrent dans la cabane. Pendant ce temps, dans la cuisine, chez papa-maman. Le poireau a kidnappé Bibi. Qu'est-ce que tu dis? Ah, j'avais raison de me méfier de ce légume avarié. Bah, où il en est? Bah, où veux-tu? Vite. Non. Si. Pas possible. Avec leur saloperie de téléportation. Prévenons la police. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire, la police? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Le déluge. Les revendications des ravisseurs. Tu crois que le poireau est épaulé par les choux-fleurs? Ah, bah, c'est évident. Pourquoi s'en prendre à Bibi? Ah, ils veulent faire pression sur l'instance centrale pour imposer leur projet de transport téléportatif intersidéral. Oh, on n'aurait jamais dû accepter de recevoir ce légume vert à la maison. L'école. Prévenons l'école. Essayons de savoir si les autres gamins ont été téléportés cette nuit. La tête du directeur apparaît sur l'écran de contrôle. Bonnes vacances à tous. Joyeuses Pâques et vive l'amitié intersidérale. Vive l'amitié, il est même pas synchrone. Irresponsable, hein. Ils sont tous irresponsables. Appelons les autres parents. Ah non, c'est fini. Hein. J'appelle la douane intersidérale et la gendarmerie galactique. Ok, moi je sors patrouiller dans le coin pour trouver des indices, on ne sait jamais. Non, apparaît le golem, entouré de Bibi et de son correspondant. Bah, sortez-vous. Bah, et qu'est-ce que c'est que ce chiffon dégueulasse? Le golem se dresse, lève les bras et avance l'air menaçant. Toi, Bibi, tu mérites une bonne fessée. Le golem se dirige alors vers papa. Mais toi aussi, le poireau. Ah non, mais je sais pas si tu retiens de t'arracher la touffe. Le golem rassemble les parents d'un geste et les jette au sol, mais il s'apprête à les piétiner. Le golem s'immobilise. Je serai vous, je ramperai doucement jusqu'à la porte sans faire de gestes inutiles et j'irai me planquer à la cave. Non. On veut savoir où vous étiez cette nuit. Ah non, mais s'il t'emmène dans son étoile cette nuit, sans notre consentement, je vais me plaindre au directeur de l'école et ça va chauffer. Hein. Papa, maman se redresse. Ça va l'énerver. J'exige des explications. Le golem repasse à l'attaque. Maman, je vous en supplie. Parlez gentiment, il croit que vous le criez dessus. Il est très chatouilleux. Je t'en foutrai, moi, des chatouilles. Oh, camembert. Oh, ouais. T'as chez moyen de pas le trouver, conseil d'amour. Entre un homme sur la pointe des pieds portant une facture. Ah bah voilà José maintenant. Excusez le dérangement, monsieur papa, mais Bibi m'a assuré que c'est vous qui allez me régler ce que la chose a pris chez les voisins et chez moi. Je vous laisse ma petite note. Oh là là, si je pouvais aussi récupérer mon moche. Le bonhomme se jette sur lui. Ah non, mais si quelqu'un pouvait nous expliquer ce qui se passe dans cette maison. Ah, golem, calme. Assis, sage. Non, mais, et vous deux, mais bougez plus. Mais criez plus. Le golem s'assied. Papa, maman souffle. Bibi aussi. Oh, bon rendez-vous. Mon chantier. Ah non, on ne peut pas les laisser seuls sans surveillance. Hors de question. Hein. Pardon, je ne peux pas rester là à faire le papy sister. Ah, mais moi j'ai un rendez-vous vidéo intergalactique hyper crucial. Le golem s'agite de nouveau. Disputez-vous, mais moi... Ah, c'est moi. Tu restes. Moi, je peux pas. Ah non, ça je peux pas. Comment il s'appelle, Kiddy? Golem. Bien. Golem. Ouais. Écoute-moi. Ouais. Je suis le chef ici. Je t'ordonne donc de surveiller ces deux-là jusqu'à ce soir, ok? Hein? Ils ne doivent pas sortir, ne pas boire plus d'un coca chacun, et en plus, je veux que Bibi fasse des maths et de la géo. Ils ne regardent pas la télé, ni leur jeu intergalactique. Oh, papa! Silence! Maman! On réglera ça ce soir. Oh. Bye! Salut! Ils sont sortis. Le golem se tient bien droit comme un soldat en faction. Oh. Attends, je vais lui parler. Oui. Bon, mon cher golem... Soyons clairs, c'est nous qui t'avons fait, Bibi et moi. Oui, c'est nous. C'est à nous que tu dois obéissance. Le golem fait non de la tête. Viens, on se lève et on va faire un tour. Le golem se lève et repousse le correspondant qui va rebondir contre un mur. Oh, on va juste prendre un coca. Le golem fait non de la tête. Oh, papa, dis pas plus d'un. Or, on en a pas encore pris un. Le golem le repousse également contre un cloison. Il gronde maintenant. Ce golem nous a échappé. C'est un traître à la patrie. Il faut le désactiver d'urgence. Le Comment on le désactive? On lui ramollit le disque dur. Où est son disque dur? Je sais même pas s'il en a un, je dis ça comme ça. Le golem montre des signes de nervosité. Interrogeons la banque de données. Il pianote. Un énorme visage apparaît. Le golem a sursauté à l'apparition du visage et soudain, il crève l'écran d'un coup de boule. Non, d'un petit peu, ça va très mal si en plus il bousille le matériel à papa, maman. Il est urgent de le désactiver. Je savais le faire en théorie, mais... Mais quoi? J'ai oublié. Mais fais un effort. Sur mon étoile, plus on vieillit, moins on sait. Je comprends pas. On est avec la connaissance universelle globale. Après, chaque jour, on perd des bribes. Bribes ou pas, il faut arrêter le massacre. Golem? Golem? Viens, viens. On va jouer à la bataille. Non, pas la bataille. Aux osselets. Viens, les osselets. Il va te secouer jusqu'à ce que tes vertèbres tombent au sol. Mais fais quelque chose. Ça y est, il suffit de transformer le mot respire en expire. Pardon? Expire. Alors fais-le. Mais comment grimper jusque là-haut? Golem? Golem, tu sais ramper? Ah, attends, je vais te montrer. Voilà, comme Bibi. Comme ça, faut faire comme ça. Allez, viens, à toi de ramper. Vas-y, poireau, mon poteau. Vas-y, fond. Ouais. Voilà, ça y est. Alors, j'enlève le R. Et je mets et ça donne et attention, la petite ça va décrire. Ça marche. Hé, tu sais quoi? Non. À l'avenir, on se défendra tout seul. Chez papa maman. 6 mois plus tard, Bibi, face à l'écran, sur l'écran, son correspondant. Salut mon pote. Ah, c'est lui. Tu me vois, tu m'entends? Je te parle de mon étoile. Ouais, ça y est, les gouvernements se sont mis d'accord. Ils vont développer tout le bazar sur Terre et ailleurs pour téléporter aller-retour. Mais c'est super, ça. Et même communiquer, comme tu le vois, face à face avec seulement une petite heure de décalage. Une heure? Alors voilà, dans 6 mois terrestres, pour tes vacances de Pâques, on t'attend. Et je te cause pas plus longtemps, vu que ça douille encore BZF l'unité. Oh, elle a raison. Et tu vois, j'ai fait des progrès en argomiche. Tu seras le premier enfant non accompagné dans le sens Terre, mon étoile et retour. Terre, mon étoile. Bye bye. Il te reste plus qu'à convaincre tes parents. Ah oui, mes parents. Pour faire vite que papa puisse retenir ton bifton. Et ciao. Ouais, ciao. L'écran s'éteint. Salut, c'est Bibi. Merci, je te vois. En plus, je reconnais ta voix. Qu'est-ce que tu veux? Si c'est pour le devoir de trigo, je sèche aussi, hein. Hé, tu connais pas la nouvelle? Quoi? Il y aura une nouvelle et je l'aurais pas vue? Non, ça y est. Ça y est, quoi? La loi sur les transports intergalactiques par téléportation est votée. Je vais sur l'étoile de mon correspondant et demande à partir aussi. Ouais, mes vieux veulent pas entendre parler de télédéportation. Téléportation? C'est kiff, kiff. Tu leur as dit que mon correspondant était venu comme ça et qu'il était reparti pareil? Ils disent que les étoilés manipulent la presse et l'opinion et que de toute façon, on n'a pas besoin d'aller chez eux vu qu'ils vont venir nous envahir à domicile d'ici peu. Pourquoi ils feraient ça? Pourquoi? Je sais pas. Et puis je vais te dire, je m'en fous. Mes vieux vont me payer un stage de bolide sur coussin d'air. Ça fait bolide. Du 312 chrono sur mes rachetés. Mais je m'en foutais 72 chrono. Si tu veux bien, mes vieux. Bibi coupe, puis repianote. La tête de maman apparaît, très mal cadrée. Maman, pour les vacances de... Vois ça avec ton père. Elle a coupé. Bibi repianote. La tête de papa apparaît. Papa? Bibi, appelle ta mère. C'est pour les vacances. Appelle ta mère. Je l'ai déjà appelé. Alors? Elle est d'accord si t'es d'accord? Si elle est d'accord, je suis d'accord aussi. Ok, merci, papa. Il s'agit de quoi? Rien, c'est juste pour préparer mes vacances de Pâques. Enfin, c'est dans 6 mois. Ouais, mais t'es d'accord? Je viens de te le dire. Ok, salut. Je suis content. 6 mois plus tard, sur mon étoile, dans la petite cuisine des parents du correspondant de Bibi. Ils ont l'air de chou-fleurs, mais discrètement. Tu l'as vu? J'ai vu. Comment tu le trouves? Bizarre. Bizarre? Mais pas comme nous. Bien sûr, il a l'air d'une vraie patate. Une patate? Une pomme de terre, si tu préfères. Ben moi, je préférerais rien du tout, tous ces programmes font tourner la tête à l'envers. Ben, il faut bien que les mondes se mélangent. Ben alors, s'il faut, mélangeons. Je fais une purée? Ah non, non, il aime les frites. Les frites en sachet? Pendant ce temps... Alors, ça te plaît ici? Ah si, tu les perds... Hein? Bon, c'est un peu comme sur Terre, non? Bon, attends, mieux quand même. J'ai raté. Ah, je te présente ma sœur. Eh, Rouja, viens. C'est Bibi, mon correspondant terrestre, aussi mon ami. Mais t'occupes Bibi à Rouja, toujours. Ouais, c'est son moteur qui chauffe. Rouja, confuse, esquisse une révérence. Elle aussi a l'air d'un jeune poireau délicat. Féminine, en tout cas, sa touffe est plus longue. Bienvenue sur mon étoile, monsieur Bibi. Elle rougit encore plus et se sauve. Et alors, comment tu la trouves? C'est au tour de Bibi de rougir. Bah, en tout cas, je peux te dire que toi, tu lui bottes vachement. Je l'ai jamais vu rougir autant. Hé, hey, je vais te montrer ma chambre. Pour cette nuit, je nous ai préparé une surprise extra. Pas de nouveau golem, hein? Non, non, non, non. Une balade dans les étoiles voisines. Ils ont mis au point un circuit nocturne. Et par temps clair, on aperçoit la Terre. Rouja, viens avec nous? Si tu veux, mon pote, si tu veux. Oui. Bah quoi, tu rougis aussi? Non. Bah ça va finir par un mariage. C'est vrai que les mélanges poire aux pommes de terre, c'est ce qui donne le meilleur potage. La nuit même, Bibi, son correspondant et Rouja en balade dans les étoiles voisines. On pourrait pas avoir un peu de lumière? Si on ouvre la lumière, on n'y verra que dalle. Hé, regardez. Regardez, cher Bibi, la ronde des planètes, tout là-bas. Voyez-vous la petite qui tourne sur elle-même? Laquelle? La patatoïde. Mais non. Non, celle qui a l'air d'une mandarine. Ah oui, je la vois. C'est votre très chère terre, Bibi. Oh non, d'un petit banc, elle est petite. Mais si jolie. Rouja en rougit dans le noir. Oh, papa, maman. Papa, maman, on est là. On est là. Épilogue. Quelques années plus tard, dans la cuisine de papa-maman. Face à l'écran sur lequel on peut suivre le mariage de Rouja et Bibi. Papa-maman sont en habits de cérémonie et robe de bal. Ils ont l'air émus. Soudain, ils disparaissent. Et se retrouvent également sur l'écran. Tout le monde s'embrasse. On jette une pluie d'étoiles minuscules sur les jeunes mariés. La musique joue un air d'autrefois. Tout le monde danse. Les poireaux, les choux-fleurs et les pommes de terre se mélangent. Et vive l'amitié intersidérale ! Lance le directeur de l'école. Hurle papa-maman choux-fleur. Tout le monde est heureux. C'est bien les pièces qui se terminent par un mariage, non ? C'était « Mon étoile » de Jean-Claude Grimbert avec Caroline Breton, Françoise Cousin, Luc Ducrot, Modeste Nzapasara, Marie-Pierre Bézanger, Philippe Bombled, Martine Vandeville, Olivier Boréel, Stéphanie Moussu, Olivier Lacoma. Bruitage Alain Platio. Prise de son, montage, mixage, Jean-François Néolier, Sébastien Royer. Assistante, Anne-Laure Chanel. Réalisation, Myron Merson. Mon étoile de Jean-Claude Grimbert est édité chez Actes Sud.